Ceci nous amène à concevoir qu'éventuellement, lorsque l'homme entrera dans les terres, l'homme pourra rencontrer ces êtres-là, mais l'homme aussi pourra entrer dans une vibration de l'éther qui est inhabitée aujourd'hui sur cette planète. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pour commencer à confondre l'intelligence de l'homme. Je dois confondre l'intelligence de l'homme pour forcer l'homme à renier totalement sa mémoire. Renier sa mémoire dans ce sens que l'homme doit en arriver un jour à renier ce qui est le plus cher à lui. Parce que tant que l'homme ne sera pas capable de renier ce qui est le plus cher à lui, l'homme ne pourra jamais être. L'homme ne pourra jamais être. Pour que l'homme soit, il faut qu'il renie sa mémoire. Parce que être veut dire ceci. Être veut dire avoir la capacité de créer instantanément selon le taux vibratoire de notre propre esprit. Et le taux vibratoire de notre esprit, c'est une correspondance avec la lumière de notre esprit. Ce n'est pas une valeur historique ou temporelle, même à l'échelle occulte, de l'expérience ancienne de l'homme. Être, c'est quelque chose de constamment neuf, constamment renouvelé, constamment renouvelable, constamment en évolution. Et être implique que celui qui est n'ait aucun recours à ce qu'il a pensé dans le passé. Et c'est justement pourquoi les hommes n'ont pas d'idée de ce que veut dire l'intelligence de l'esprit et pourquoi les hommes ne sont pas capables de vivre la fusion de l'esprit avant d'avoir passé un certain nombre d'années à perdre de plus en plus de leur personnalité. Le phénomène humain, c'est un phénomène qui devient de plus en plus intransigeant. Plus l'homme se conscientise, plus l'esprit devient intransigeant avec son intellect. Et plus l'esprit de l'homme devient intransigeant à son intellect, contre son intellect, plus l'esprit de l'homme prend du pouvoir sur la terre. De sorte que plus l'homme spiritualise son énergie, c'est-à-dire élève la vibration de son énergie, pour qu'un jour il puisse y avoir une unification complète entre l'esprit et la matière de l'homme. C'est ce qu'on appelle la fusion. Dans certains livres, on explique que la fusion, c'est l'unification d'un ajusteur de pensée avec l'âme humaine. Ça, c'est très primitif d'expliquer la fusion ici. C'est pas que c'est pas vrai, c'est que c'est plus que ça. Alors, un ajusteur de pensée et une âme humaine, ce sont deux choses qu'il faut comprendre. D'abord, un ajusteur de pensée représente la personnification de l'intelligence. Une âme humaine représente de la mémoire. L'unification de la personnification de l'intelligence avec l'âme humaine veut dire l'unification de l'énergie de l'intelligence avec l'énergie de l'âme. Il faut un jour que l'énergie de l'intelligence qui est indifférenciée, mais qui est prépersonnelle et qui lui donne, à cause du fait qu'elle est prépersonnelle, la capacité d'être verbalisée, puisse fusionner avec l'énergie de l'âme pour que l'homme ne vive plus de la mémoire, mais vive du pouvoir créatif de l'intelligence en fonction du pouvoir vibratoire de l'âme sur le plan matériel ou sur le plan éthérique pour se créer éventuellement un corps subtil qu'on appelle le conventionnel. Le phénomène de parler n'a jamais été étudié par l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire parler? Nous autres, les hommes, quand on interprète le phénomène de parler, on l'interprète de deux façons. Pour nous autres, le phénomène de parler veut dire quelque chose ou entendre dire quelque chose dans notre tête. Ce qu'on appelle la pensée ou la communication télépathique. Mais dans le fond, le phénomène de parler, le phénomène de verbalisation, c'est un phénomène cosmique qui appartient au règne humain à un niveau très développé, au règne animal à un niveau moins développé, au règne de la plante à un niveau moins développé, puis au règne minéral à un niveau moins développé. Même les atomes entre eux autres se parlent. Même les plantes entre elles-mêmes se parlent. Même les animaux se parlent. même les hommes se parlent, et le surhomme aussi en eux, les surhommes en eux se parlent. Autrement dit, le phénomène de parler ne veut absolument rien dire. Le phénomène de parler, c'est simplement la phénoménalisation de l'esprit. Ça veut dire que le phénomène de parler implique la descente de l'esprit sur un plan qui permet la mécanisation de cette énergie-là. Mais si l'homme change de plan, le phénomène de parler disparaît et automatiquement l'homme, s'il est obligé de communiquer, doit se servir d'une autre façon de communiquer d'esprit à esprit, qu'on appelle la communication télépathique éthérique. Mais ça va encore plus loin que ça. Nous autres, les hommes, on a tendance naturelle à mettre de l'importance dans le phénomène de parler parce qu'on reçoit le langage. Et comme on reçoit le langage, aussitôt qu'on le reçoit, on lui donne de l'importance parce qu'on veut le garder afin de pouvoir donner à notre ego une illusion d'être dans la présence de la conscience. Le langage nous permet de vivre une illusion d'être dans la présence de la conscience. Si on n'avait pas le pouvoir de parler, la présence de la conscience serait beaucoup plus diminuée en nous. Les gens qui sont muets, par exemple, qui sont obligés de parler de leurs mains, ont moins de présence de conscience en eux, parce qu'ils ne peuvent pas parler. Mais il y a un danger là-dedans, c'est que quand on parle, il s'avère qu'on veut parler de plus en plus. Pourquoi? Pour traiter de plus en plus de ce qu'on peut parler. Mais traiter de ce qu'on peut parler, ça ne veut pas dire traiter de ce qui est réel. Ça veut dire traiter simplement de ce qu'on peut parler. Mais ce qu'on peut parler, ce n'est pas la mesure de notre esprit. C'est simplement la mesure de ce que l'esprit permet que l'être humain manifeste pour l'évolution de son intelligence. Comprenez-vous ce que je dis? Autrement dit, si mon esprit voulait parler plus qu'il parle, probablement qu'on ne pourra pas comprendre ce qu'il dit, pas plus vous autres que moi. Alors, l'esprit a une capacité de transformer en mots ce qu'il veut communiquer à l'homme pour l'évolution de son intelligence. Mais l'esprit n'est pas intéressé à parler à l'homme. L'homme a l'impression que l'esprit est intéressé à lui parler parce que l'homme est tellement habitué à entendre parler l'esprit, soit par la parole ou soit dans le mental, par la pensée. Mais l'esprit n'a aucun intérêt à parler à l'homme parce que parler, c'est déjà inférieur à l'esprit. Parce que parler ne fait qu'entamer le processus de la spiritualisation de l'intelligence de l'homme. Ça ne permet pas nécessairement à l'esprit d'exploser dans l'homme sur la terre et de se manifester dans toute sa puissance. De sorte que les mots sont, dans le fond, une manifestation créative de l'impuissance de l'esprit. Pour permettre à l'homme d'avoir l'impression sur le plan psychologique de vivre de la puissance du mot qui provient de l'esprit. Pour que l'homme, à travers le mot, prenne conscience de la présence de l'esprit. Parce que si l'homme ne parle pas, il ne pourra pas avoir présence de l'esprit. Alors, pourquoi le mot sert? Pourquoi l'homme parle-t-il? L'homme parle pour qu'il puisse prendre présence de l'esprit. L'animal, lui, parle, mais il parle d'une façon tellement primitive que l'animal ne peut pas s'imaginer, parce que son langage n'est pas assez complexe, il n'est pas capable de s'imaginer la présence de l'esprit. Tandis que l'homme, à cause de la nature des mots et de la façon dont les mots sont corrigés constamment par l'esprit au cours de l'évolution, s'aperçoit qu'il y a de l'esprit derrière son activité verbale, et c'est justement ce phénomène-là qui a permis à l'homme de développer la conscience du verbe et d'élever la conscience du verbe à un niveau phénoménal, c'est-à-dire de donner à la valeur de la conscience du verbe une valeur spirituelle que l'on retrouve dans la Bible quand on dit que le verbe fit ci et que le verbe fit ça. Dans le fond, le verbe n'a rien fait de ça. C'est que simplement, le verbe a permis à l'homme de comprendre par la façon dont lui s'expliquait que le verbe, c'est-à-dire l'esprit qui verbalise le réel, était derrière l'action dont l'homme avait pris conscience au cours de son évolution, soit au niveau de la matière, du minéral, des plantes ou de l'homme. La création, que vous avez dit, la création. Mais la création n'a rien à faire avec l'esprit. La création est le produit de la condensation de l'énergie de l'esprit sur des plans. L'esprit s'est condensé sur des plans pendant des très, très grandes périodes de temps, de sorte que la création est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, la création telle qu'elle est aujourd'hui dans le cosmos est le résultat de la condensation de l'esprit sur les plans. Le plan matériel étant le plus condensé, le plan vital un peu moins, le plan émotionnel un peu moins, le plan astral un peu moins, puis le plan mental encore un peu moins. De sorte que plus on monte dans l'échelle cosmique, moins l'esprit est condensé. Et moins l'esprit est condensé, plus il est rapide. Et plus il est rapide, plus il y a de l'intelligence dans le cosmos. Autrement dit, l'intelligence dans le cosmos est toujours proportionnelle à la rapidité de l'esprit, c'est-à-dire, elle est toujours proportionnelle au fait que l'esprit est moins dense. Moins l'esprit est dense, plus il y a de l'intelligence, parce que plus qu'il y a du mouvement d'esprit. Si on retourne ceci à l'homme et qu'on essaie de faire comprendre à l'homme le domaine de son intelligence et le domaine de son esprit pour dissocier en lui ou chez lui la valeur de l'intelligence et la valeur de la connaissance pour que l'homme en arrive éventuellement à retourner à l'origine de son esprit qui n'est pas voué à la découverte de l'intelligence mais à l'explication provenant de son pouvoir sur le verbe. Qui est la canalisation éventuelle vers les plans inférieurs de ce qu'il est vers la matière. Un homme qui comprend ça s'aperçoit à ce moment-là que l'intelligence, que la connaissance, c'est simplement le produit de l'activité de l'esprit à travers le verbe, le mot, pour donner à l'homme une prise de conscience. Un homme qui comprend ça n'a plus besoin d'être intéressé à l'intelligence, n'a plus besoin d'être intéressé à la conscience, n'a plus besoin d'être intéressé à la connaissance. Tout ce qu'il est intéressé, ce à quoi il est intéressé, n'est que prise de conscience venant de son inconscient. Un homme conscient ne peut pas être intéressé à rien. Parce qu'être intéressé à quelque chose, c'est être déjà dans le mouvement de l'activité du verbe, propulsé par l'esprit pour l'actualisation sur le plan matériel dans le cerveau de l'homme d'une prise de conscience. Autrement dit, quand tu es intéressé à quelque chose, c'est parce que tu n'es pas assez intelligent pour ne pas l'être. Comprends-tu, vas-y? Tu n'es pas assez dans ton esprit pour voir que c'est toute une game. Aussitôt qu'un homme est intéressé à quelque chose, quand je parle d'intéressé à quelque chose, je parle d'être intéressé au niveau psychologique. Aussitôt que tu es intéressé à quelque chose, aussitôt qu'il y a de l'ego dans quelque chose, et que tu es intéressé à quelque chose, tu es assujetti au jeu de l'esprit à travers d'une forme qui sert à te rendre conscient de l'esprit. C'est un cercle vicieux. Au cours de l'évolution, l'homme a été intéressé à beaucoup de choses parce que l'homme devait développer une civilisation, ainsi de suite. Et l'homme devait faire en sorte que sa vie matérielle devienne de plus en plus aisée. Mais ça, c'est parce que l'homme avait besoin de choses matérielles pour convenir à la présence de son corps matériel qui déjà nécessitait certaines conditions de vie pour que son mental puisse exploiter le plus facilement possible ce qui était dans la matière. C'est ce que donnait la science. Mais dans la civilisation qui vient, dans l'âge futur de l'humanité, l'homme aura plus besoin de s'intéresser à quoi que ce soit pour enjoliver son monde. Parce que l'homme va être capable de créer ce qu'il a de besoin. Si l'homme a besoin d'un cheval, il va s'en créer un et ça va tout. Comprends-tu ce que je veux dire? Ça, c'est au niveau de la septième race. Pas de la sixième. T'as besoin d'un cheval, tu t'en crées un. T'as besoin de ci, tu t'en... Autrement dit, l'homme va toujours se créer des pensées. Ses pensées, il va les matérialiser. Les matérialiser, il va s'en servir. Quand il va avoir fini de s'en servir, ils vont disparaître. Le cheval va disparaître. Il va retourner à l'énergie indifférenciée. Mais pour que l'homme en arrive un jour à pouvoir vivre de son esprit, c'est ça, vivre de son esprit, il faut que l'homme soit capable de vivre sans la forme dont s'est servi l'esprit pendant des millénaires pour élever sa conscience mentale afin que lui prenne conscience de son esprit. Il faudrait que l'homme prenne conscience de son esprit avant que l'homme puisse vivre de son esprit. L'homme aujourd'hui et l'homme de la sixième race sera un homme qui prendra de plus en plus conscience de son esprit, mais il ne vivra pas de son esprit. Il vivra dans son esprit. Il y a une différence. Vivre de son esprit et vivre dans son esprit, c'est deux paires de manches différentes. Quand tu vis de ton esprit, tu crées la forme et tu t'en sers. Quand tu vis dans ton esprit, tu prends conscience de ton esprit, contrairement à l'involution où tu as pris conscience de toi-même pour plus tard prendre conscience de ton esprit quand tu as cessé de prendre conscience de toi-même. Vraiment? La raison pour laquelle j'explique ça, c'est pour façonner dans l'esprit de l'homme une sorte de point de référence. Comme le dentiste, il vous met un petit crochet dans votre dent pour faire sa dent. Bon, mais là, je vous mets un petit crochet pour développer le reste. Parce que j'ai besoin d'un petit crochet. L'homme est un être qui ne peut pas se mesurer parce qu'il est incapable de parler. Et comme il est incapable de parler, il est incapable de se mesurer parce que c'est quand on parle qu'on se mesure. Mais pour pouvoir se mesurer, il faut avoir une règle. Pour pouvoir avoir une règle, il faut que cette règle-là soit calibrée, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle convienne en unité à une convention. Qu'est-ce qui crée la convention? C'est l'esprit. Hein, je veux dire? Si l'homme n'est pas dans son esprit, comment veut-il qu'il crée une convention? Il ne peut pas créer une convention. Si l'homme est dans son esprit, il crée la convention, puis c'est de même parce que l'esprit crée la convention. Alors un homme qui est dans l'esprit crée la convention. Alors l'homme qui est dans l'esprit dit, bon, mais c'est de même que ça marche dans le cosmos. Ah, l'esprit crée automatiquement des conditions d'évolution supérieure pour l'homme. Mais l'homme qui est dans la fusion avec son esprit, qui est dans la fusion dans l'unité de son esprit, n'a pas besoin de la convention que crée son esprit. Parce que l'homme qui est dans son esprit n'a pas de mémoire d'abord, puis il n'a pas besoin de connaissance non plus, puis il n'a pas besoin de savoir ce que son esprit veut que les hommes ou l'humanité sachent. Lui est simplement un canal. Fait qu'automatiquement, ça le libère, lui, de la valeur de la convention. C'est-à-dire que ça lui permet, lui, de dire ce que l'esprit veut dire et de ne pas se mettre le nez dans les affaires de l'esprit. Mais pour que l'homme ne se mette pas le nez dans les affaires de l'esprit, il ne faut pas qu'il ait de nez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait d'intellect. À ce moment-là, l'esprit est libre d'agir dans l'homme et à ce moment-là, l'esprit est libre d'élever, d'instruire l'homme dans la connaissance de la conscience de l'esprit pour que l'homme un jour en arrive à être dans l'esprit et un jour plus tard en arrive à se servir de l'esprit. Le point d'attache que je veux créer, c'est de vous faire réaliser l'importance de comprendre, surtout au stage où vous êtes rendu, ça fait assez longtemps qu'on se parle, d'en arriver à comprendre essentiellement le message que je donne à l'homme, le message étant de trois points. Occupez-vous jamais de comprendre quoi que ce soit, occupez-vous jamais de comprendre quoi que ce soit, puis occupez-vous jamais de comprendre quoi que ce soit. Quand vous aurez compris ça, vous commencerez à comprendre tout, non pas parce que vous pourrez retenir dans votre mental ce que vous savez dans votre esprit, mais parce que vous aurez la capacité du verbe qui provient de l'esprit, de sorte que vous aurez la capacité d'expliquer tout ce que vous avez expliqué quand l'esprit veut parler à travers votre mental. Et c'est tout ce que vous aurez besoin pour vivre sur le plan matériel et vivre dans votre esprit. À ce moment-là, que vous soyez sur le plan matériel ou un autre, vous vivrez des vies qui coïncident avec l'action de l'esprit en vous et vous ne souffrirez plus psychologiquement. Et quand vous souffrirez plus psychologiquement, vous allez commencer à respirer. Et tant que vous allez souffrir psychologiquement, c'est parce que vous allez essayer de comprendre ce que votre ego veut comprendre au lieu de réaliser les conventions de l'esprit qui proviennent de ce que vous, en tant qu'esprit, puisse manifester à l'homme quand vous vous expliquez. Vous devez un jour en arriver à pouvoir vous-même établir les conventions de votre esprit sur la terre, de sorte qu'un jour vous devez être capable d'être suffisamment dans votre intelligence pour parler à quelqu'un et dire quelque chose qui n'a jamais été dit sur la terre. Alors, quand vous serez capable d'expliquer ou de parler à quelqu'un et de dire des choses qui n'ont jamais été dites sur la Terre, vous serez dans votre esprit, vous établirez les conventions de votre esprit, et les conventions de votre esprit seront universelles, c'est-à-dire qu'un homme qui est dans son esprit sera obligé lui-même de voir que ces conventions-là conviennent aussi à son esprit. C'est très maladif de la part de l'homme de vouloir comprendre. Ça fait partie de ça fait partie de la, ça fait partie de whatever. D'accord. C'est bien maladif, c'est très maladif, c'est absolument aberrant. Si vous étiez dans votre esprit, vous réaliseriez comment est-ce que c'est aberrant. C'est tellement aberrant que ça n'est drôle. Pourtant, c'est tellement sérieux pour l'homme. Et la différence entre le drôle et le sérieux, elle est aussi grande que la différence entre l'intelligence et l'esprit. Fait qu'autant, moi, je peux vous dire dans mon expérience que je comprends rien, que je suis pas intéressé à comprendre rien, que je suis pas intéressé à l'intelligence, autant je peux vous dire ça, autant pour vous autres, ça peut être aberrant d'entendre ça. Parce que c'est pas normal pour l'être humain d'être traité en idiot. C'est-à-dire d'être traité en fonction d'une convention qui a été établie par son ego au lieu d'être établie par son esprit. Mais si votre esprit vous dit ce que je vous dis, moi, à ce moment-là, l'ego, il prend sa place. Tu sais, quand ils te disent quelque chose, tu fermes ta boîte. Mais tu vis pas tout le temps de ça. Parce que vous n'êtes pas fusionné. Si vous étiez fusionné, ben à ce moment-là, vous saliez tout le temps de même. Fait que ça serait normal. Mais comme vous n'êtes pas fusionné, de temps en temps, ils vous envoient une planche. Puis après ça, vous retournez avec vos anciennes habitudes. Puis après ça, une autre petite planche. Puis encore, tu retournes à tes anciennes habitudes. Puis c'est ça qui crée la tension dans l'homme. Mais je suis obligé de vous l'expliquer pareil. Parce que je suis obligé de toujours imprimer sur votre esprit le fait que l'esprit établit les conventions de l'ordre de la connaissance dans le cosmos pour tous les temps et de toutes les éternités. Quand l'homme comprendra ça, l'homme ne sera plus intéressé à la connaissance parce que l'homme réalisera une chose, que la connaissance, ça n'existe que pour le bénéfice de l'homme et jamais pour le bénéfice de l'esprit. Alors, si la connaissance existe pour le bénéfice de l'homme et non pour le bénéfice de l'esprit, c'est à l'homme éventuellement de se servir de l'intelligence qui lui vient de l'esprit, mais non pas pour se construire une forteresse de connaissances, mais pour s'élever en connaissance afin de voir et de comprendre plus l'esprit. Mais les hommes ne font pas ça. Les hommes, ils se créent une forteresse puis ils veulent rester dedans. La science matérialiste cartésienne du 20e siècle, la philosophie, ainsi de suite, toutes les sciences qu'on connaît aujourd'hui. Et pourtant, l'expérience de l'homme démontre très bien que si tu retournes il y a 200 ans, 300 ans dans le passé, les théories de ce temps-là, aujourd'hui, sont démantibulées. Les théories de demain vont être démantibulées. Après-demain. Ça change constamment. L'homme n'est pas capable de s'imaginer ça. Et au niveau de son expérience personnelle, c'est la même chose. L'initiation de l'homme, de l'être humain, l'initiation solaire, va faire en sorte que ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez dans 2 ans et ce que vous serez dans 10 ans, ça sera constamment différent parce que vous rentrerez de plus dans votre esprit. Alors, ça vous amène à quoi? Ça vous amène à comprendre une chose. Que quelle que soit la condition de votre vie aujourd'hui, psychologiquement parlant, quelle que soit la condition de votre souffrance psychologique aujourd'hui, faites-vous-en pas, parce que demain, ça va être autre chose. Puis demain, ça va être autre chose. De sorte qu'un jour, vous ne la souffrirez plus, cette condition psychologique-là, vous serez dans votre esprit. Fait qu'en attendant, prenez votre pilule. Prenez votre pilule, parce que la pilule que vous prenez, au moins, c'est une pilule qui est vitale. Quand t'es malade, t'aimes pas ça, prendre un remède, mais c'est mieux que t'en prennes un pour te guérir. Moi, je vous donne une pilule, prenez-la. Fait que si je vous dis, moi, tu peux pas te conscientiser sans souffrir, dans le fond, qu'est-ce que je vous dis? Je vous aide à supporter votre souffrance. C'est moins dur aujourd'hui pour toi de supporter tes tensions que c'était avant 2 ans. Pourtant, avant 2 ans, il y avait le faux cul. Mais c'est le même pour toutes nous autres. Il vient un temps, c'est moins dur, puis c'est moins dur, puis il vient un temps, mais ça se supporte. Puis un temps, ça a du bon sens. Puis un autre temps. Puis t'arrives un temps, t'en as plus de souffrance. Tu souffres plus. T'es dans ton esprit. Je vais aller plus loin dans cette affaire-là. Après toutes les conversations qu'on a, toutes les jasettes qu'on fait ensemble, les gens doivent... Qu'est-ce que c'est qui fait que l'homme... Je parle de l'homme qui se conscientise. Qu'est-ce que c'est qui fait que l'homme qui se conscientise se décourage, a tendance à se décourager? Qu'est-ce que c'est le découragement? C'est qu'il y a une plus grande proportion en vous d'influence astrale que d'esprit. C'est ça le découragement. Puis si je vous mets ça bien, bien graphique, là, si je te dis que tu as 49,9% d'astral puis 50,1% d'esprit, tu vas te décourager moins. Mais il faut que tu aies au moins 50 plus d'esprit pour te décourager moins. Parce que c'est subtil, le découragement. Le découragement, c'est le pouvoir de l'astral sur l'homme. Aussitôt que tu es capable de contrôler ton découragement, tu rentres dans ton esprit. Quand tu es capable de contrôler ton découragement, ta souffrance, ton ci, ton ça, t'avances dans l'esprit. Tu arrives un jour, là, t'es 90% dans l'esprit, 10% dans l'astral. Tu as dit qu'il n'y a plus grand chose qui t'affecte. Rendu à 100%, la planète peut sauter sans arrêt. Mais là, t'es bien. Mais il faut que l'esprit nous construise de toutes pièces. Il faut que l'esprit nous construise. Ah, il nous construit selon les données de l'instruction qui nous est donnée sur le plan matériel pour nous permettre de comprendre que tout le musée de nos personnalités, c'est un musée qui a été façonné par d'autres intelligences qui sont en évolution et qu'un jour, devront comprendre ce que nous autres, aujourd'hui, on commence à comprendre, mais qui ne sont pas en matière. Fait que nous autres, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas se permettre de se décourager. Il faut qu'il y ait une partie suffisante d'esprit en nous pour nous permettre d'être au-dessus, juste au-dessus de la vague du découragement. Tant que vous ne serez pas capable d'en arriver à avoir suffisamment d'esprit pour vous tenir un petit peu au-dessus de cette affaire-là qu'on appelle le découragement, mais l'esprit va être plus travaillé sur vos corps pour vous amener à ce point-là. Parce que vous ne pouvez pas vous décourager toute votre vie. Plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez être sensible, plus vos corps vont réagir, plus vous allez chercher de l'harmonie, plus vous allez chercher de l'ordre, plus vous allez chercher une certaine balance, un certain équilibre dans votre vie matérielle. Fait qu'automatiquement, pour que vous ayez cette balance-là, il faut que l'esprit travaille. Puis pour que l'esprit travaille, il faut que vous subissiez certaines souffrances qui est le produit de la dislocation entre votre intellect et lui. Et automatiquement, si c'est trop raide, vous avez tendance à vous décourager. Mais c'est là que l'esprit travaille. C'est quand vous avez tendance à vous décourager que le travail se fait très, très intense entre l'esprit et votre ego. Puis, vous avez besoin de ça, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous pouvez pas passer à côté. Il n'y a pas un homme qui peut passer à côté. Moi, j'étais un initié et j'ai souffert plus que jamais, vous souffrirez. Fait que, il n'y a pas un homme qui peut passer à côté de la souffrance. Fait que si vous vous faites dire par des gourous et des gouzous que tu peux rentrer au ciel sous des ailes, ça fait partie de votre expérience. Un jour, vous comprendrez que l'homme ne peut pas rentrer dans la conscience pure. L'homme ne peut pas rentrer dans son esprit. L'homme ne peut pas vivre dans son esprit, vivre de son esprit au cours de l'évolution, sans subir une dislocation de son ancienneté. Et la dislocation de son ancienneté, c'est tout ce qu'il pense, tout ce qui a créé en lui l'illusion, l'intention d'être homme. Mais l'homme, c'est pas l'homme d'aujourd'hui, c'est pas l'homme de demain. L'homme doit devenir sur-homme, pas homme. Il y a minéral, plante, végétal, homme, sur-homme. Sur-homme, c'est un autre état. Puis après, sur-homme, il y en a un autre. C'est l'homme-esprit. Alors, il faut que l'homme passe d'une étape de l'homme à l'étape du sur-homme pour en arriver plus tard au niveau de la septième race à l'étape de l'homme-esprit. Ça, c'est l'évolution. Alors, ceux qui sont guéris pour ça, c'est évident que vous subissez une mutation, vous subissez un changement vibratoire dans vos corps, ce qui crée vos souffrances. C'est à vous autres de réaliser, surtout avec l'instruction que vous avez, vous devez commencer à comprendre un peu que je ne suis pas n'importe qui puis que je ne suis pas n'importe quel Joe Blow. Je ne lis pas des livres, moi. Moi, je vous parle, puis c'est final. Fait que, au moins, je vous donne suffisamment de force, suffisamment d'épaulement au niveau de votre esprit pour que votre esprit puisse subir sa propre condition d'évolution. Fait que, tant que je suis avec vous autres, vous avez la chance de subir le poids de votre esprit, mais en fonction de mon propre esprit. Puis un jour, après 84, quand moi je ne ferai plus mon travail, qu'il y en aura peut-être d'autres qui font un travail, vous serez suffisamment fort dans votre esprit pour vous-même épauler d'autres personnes, et ainsi de suite. Mais commencez par vous épauler vous-même. Mais faites attention au découragement. Vous ne pouvez pas vous décourager. Le découragement, c'est le produit de la lutte entre l'esprit et l'astral. Et le découragement, c'est la conquête de l'astral sur votre esprit. Vous ne pouvez pas jamais vous permettre ça. C'est terrible, le découragement. Vous devez en arriver à ne pas pouvoir vous décourager. Moi, je vous parle de demain. Mais il faut que vous en arriviez à ne pas pouvoir vous décourager. Quand vous serez plus capable de vous décourager, quand il y aura un petit peu de sursis entre vos souffrances et votre être, c'est que l'esprit, vous serez de plus en plus dans votre esprit. C'est important pour vous. Découragé. Mais je comprends le découragement. Je ne dis pas que je ne le comprends pas. Moi, j'ai jamais subi de découragement dans ma vie parce que à cause de la fusion. Sans ça, je me serais zigouné. Mais je le comprends, le découragement. Je vous en explique les aspects du découragement. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous décourager parce que c'est une illusion astrale. Assoyez-vous sur votre porte-crotte et attendez une couple de jours. Allez prendre une bière à taverne. Il y a une dimension dans le découragement qui est tellement profondément humaine. Et cette dimension-là doit être détruite chez l'homme. Le découragement, ça doit être détruit et aboli de la conscience psychologique de l'homme. Parce que c'est la pièce, c'est la chaîne qui lie l'homme à l'astral. Puis quand vous vous découragez, bien, automatiquement, tout le reste rentre en jeu, des pensées, puis des ci, puis des ça. Regardez les gars qui se suicident, sont au bout du découragement. Les forces astrales sont tellement puissantes qu'ils se font sauter. Voilà les gars qui se suicident, m'en dit, c'est heureux. Il ne va pas dire qu'il est heureux. Il va dire qu'il est découragé. Découragé. Puis les forces astrales vont le convaincre de se faire sauter à pilule. Ça arrive. C'est anti-intelligence. Se décourager. Puis vous parlez dans vos religions, puis dans vos philosophies, puis dans votre mysticisme, puis dans votre spiritualité. Vous parlez de foi. C'est là le temps de la tester, votre foi. Foi. C'est pour ça que je dis tout le temps, la foi, c'est du foie de veau. Foi. C'est comme les gars qui pratiquent le positive thinking, la pensée positive. Facile de penser positivement quand t'as 50 000 piastres à la banque et ta femme t'aime. Quand tu crisses là et tu perds ton argent à la bourse, tu as vu que le positive thinking, tu l'as loin. L'homme ne peut pas se permettre de se décourager parce que, une fois qu'il a saisi ça, il devient invulnérable. Quand tu ne peux plus te décourager dans la vie, quoi que ce soit, tu deviens invulnérable. Et quand tu deviens invulnérable, tu es déjà sur le chemin qui t'amène à être demain un intouchable. Un intouchable, c'est un homme qui a des pouvoirs sur la terre et qui ne peut pas être affecté, détruit. Ça, c'est un intouchable. Mais pour que l'homme devienne intouchable, il faut qu'il devienne d'abord invulnérable. Invulnérable, c'est que dans sa psychologie, il n'est pas affecté par l'astral. Intouchable, c'est que dans sa matière, il n'est pas affecté par les forces de destruction. Fait que vos petits problèmes que vous avez, c'est des problèmes qui font partie de toute votre évolution. Ils sont importants, vos problèmes. Ils sont bien faits, vos problèmes. Ils ont été bien construits, vos problèmes, depuis bien longtemps. C'est à vous autres d'en arriver à vivre complètement, totalement au-delà de la dimension psychologique de ces problèmes-là qui peut vous créer, s'ils sont trop raides, du découragement. Si vous saviez comment est-ce que c'est dangereux le découragement, comment est-ce que ça retarde l'évolution de l'homme, comment est-ce que ça affaiblit sa volonté et son intelligence, vous seriez absolument abasourdi. C'est anti-esprit. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'Église catholique a établi dans ses canons théologiques que le suicide, c'est un péché contre l'Esprit Saint? Il y a beaucoup d'intuitions dans l'Église catholique. C'est pas toutes des cases. Ça veut dire que si tu te suicides, que tu te décourages, tu perds ta foi. Tu te retournes contre, c'est le péché ultime contre l'Esprit Saint. C'est pas bête. C'est bien intelligent, cette affaire-là. Puis effectivement, c'est ça. Dans des mots spirituels, c'est ça. C'est anti-esprit. C'est découragé. Que vous soyez bas, que vous soyez à faible base, que vous souffriez, c'est normal. Mais que vous vous découragiez, il faut qu'un jour vous en arriviez à prendre contrôle de ça. Regardez vos situations. Il y en a parmi vous autres qui ont bien souffert depuis 2 ans. Là, ça commence à être un petit peu, ça se tient un petit peu plus. Là, vous voyez que votre découragement, c'est une de la petite fumée qui venait de l'astral. Puis c'est le même. L'esprit travaille toujours sur l'homme. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il descend constamment dans la matière. Fait qu'un jour, vous ne rêverez plus. Un jour, vous couvrez le soir, vous arriverez sur des plans, vous serez là bien conscient, vous ferez des affaires là. Au lieu de rêver comme des niaiseux. Puis analysez vos rêves le lendemain matin. Ça Hein? André, que quand vous serez plus décourageable, là, quand tu viens à un point que tu n'es plus décourageable, tu es tellement dans ton esprit que c'est comme si la vie s'ouvre à toi. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. C'est bizarre de rencontrer des gens qui sont découragés. Hein? C'est évident de rencontrer des gens découragés. Ouais, c'est évident de rencontrer des gens découragés, mais c'est encore bien plus évident quand tu l'es toi-même. Toi, je fais des vases, des fois, je dis, bon, ça va mal, maintenant, j'ai été une grande côte, tu sais. Mais moi, je suis obligé de vous le parler d'un point de vue, parce que moi, je ne pouvais pas me décourager. Enfin, je n'avais pas cette faculté-là. Mais vous autres, vous l'avez, cette faculté-là. Mais au moins, je vous l'explique, le fait que le découragement vous enlève de l'esprit. C'est mortel! Vous avez vécu des années, toutes sortes de situations. Là, vous rentrez dans une époque de votre vie où finalement la porte s'ouvre, elle s'ouvre. C'est plus le temps de vous décourager. C'est plus le temps. S'il y a un temps qui est plus le temps de vous décourager, c'est bien là. Vous avez 5 ans, je comprends, 2 ans, mais là, c'est plus le temps de vous décourager. Plus le temps de vous décourager. Ce que vous comprenez et ce que vous réalisez maintenant, ou avec les années qui viennent, c'est quoi? Oh, c'est ça. C'est ça. L'homme doit venir à être invulnérable. Toi, t'as la tendance à te décourager, toi, Guillemette. Toi. Tu t'offres. Tu rentres dans ta force, tu reviens dans ta force. Il y a des gens qui ont de la force, mais ils ont tendance à se décourager et ils ne sentent pas la force. Quand tu arrives, tu sais que tu en arrives, comprenez-vous ce que je veux dire quand je veux dire que tu en arrives à sentir ta force? Y en a-t-il qui comprennent ce que je veux dire? Y en a-t-il qui l'ont touché, cette affaire-là? Ressentir ta force. Tu ressens ta force. Quand tu es capable de sentir toute ta force, t'es bien. Tu peux faire face à n'importe quoi. Ça fait partie de devenir invulnérable pour en arriver éventuellement à être intouchable. Bon, mais c'est évident. Mais ça, c'est karmique, ça. Le gars qui naît, le gars qui vient au monde d'une jungle, il vient au monde d'une jungle, ça fait partie de sa vie, ça fait partie de son plan de vie, ça fait partie de son karma. Vous aussi, vous pouvez vous décourager. Ah ouais, tout au bout de vous. Faut en arriver à pouvoir sentir notre force. Puis pour sentir notre... Pour sentir notre force... Ah oui, je vous ai dit en haut. Pour sentir notre force, il faut avoir suffisamment d'esprit pour savoir qu'on est correct. Faut que tu saches que tu es correct dans ton affaire pour sentir ta force. Si tu sens pas assez que tu es correct, là, tu peux pas sentir ta force. Avec le temps, ça s'ajuste correct là, puis ça se perfectionne, puis ça se perfectionne. Fait qu'éventuellement, tu sens ta force, puis est correcte ta force, puis est précise ta force, puis est parfaite ta force. Mais là, tu vis sur le plan humain. Après ça, les étapes continuent, puis éventuellement, mais quand tu es prêt, ben, tu passes dans un autre plan, parce que là, vous êtes sur le plan physique, ça marche sur le plan physique, vous avez suffisamment de systèmes de points de référence pour que psychologiquement, vous fonctionnez bien. Mais quand vous allez commencer à aller dans les terres, là, vous êtes mieux d'avoir les reins solides et l'esprit à la bonne place parce que vous allez voir que c'est un autre paire de manches. C'est un autre monde. C'est pas comme le monde astral. Si vous avez des cauchemars dans l'astral, vous allez voir que l'autre bord, c'est un autre paire de manches. C'est un autre monde. des lois aussi fixes que ça, puis aussi réelles que ça, puis t'es aussi réel là que t'es réel ici. Fait que ta réalité, il faut qu'elle soit construite sur le plan matériel avant que tu puisses la vivre là. Tu peux bien aller dans l'astral sans que ta réalité soit construite sur le plan matériel parce que ça fait partie des conditions d'évolution. Mais quand tu rentres dans le monde mental, il faut que ta réalité sur le plan matériel soit construite et conquise complètement. Là, tu passes à l'autre étape, dans l'éther. Sans ça, tu t'évanouis, tu ne pourras jamais te relever. Fait que l'affaire du découragement, c'est bien important. Il y a bien des sous-titres à cette histoire-là. Parce que plus vous allez être centrique, plus vous allez être capable d'organiser votre vie en fonction de vous-même. C'est-à-dire en fonction de l'activité de l'esprit en vous contre l'astral. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans les années à venir, vous allez être obligé de vivre votre vie selon votre propre convention à vous-même. Vous ne pourrez plus vivre votre vie en fonction de la convention sociale. Vous serez plus capable. Travailler pour le boss, puis la carrière, puis vous serez plus capable. Vous allez être obligé de travailler et vivre votre vie en fonction de votre propre convention. Mais pour vivre sa vie en fonction de notre propre convention qu'on crée nous autres-mêmes, il faut avoir la force de l'esprit contre les influences astrales. Sans ça, vous serez jamais capable de le faire. Vous allez avoir des inquiétudes. Vous allez vous dire, d'un coup, je fais le mauvais pas. Et quand tu as un job depuis 20 ans, tu es obligé de lancer ça, chose. Tu commences à y penser deux fois. Mais au moins, heureusement que c'est l'esprit qui vous amène à ça dans son temps. C'est pour ça que prenez votre temps. Prenez votre temps. Il y a du monde qui vient de me voir quand déménager dans la campagne, puis changer de job. Il y a un temps pour chaque chose. Peut-être que ça prend 5 ans avant que tu déménages en campagne. 10 ans. 5 ans avant que tu changes de job. Continuez votre vie comme vous la vivez aujourd'hui. Va venir un temps où vous pourrez plus la vivre.